Je vous souhaite un très bel après-midi. Il est 13h30 et voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, justice et écran. Tous nos témoins sont soumis à une forte tension. De Nuremberg à plus tard. Ce tribunal fonctionne selon des règles. Le droit et l'image. La plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient. Je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale. Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit. Pratiquement tous les pays du monde reconnaissent sa juridiction. Pas les États-Unis. Les garanties sont une chose et les réalités une autre. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Il y a assez peu de films critiques de la justice pénale internationale si on compare avec la littérature. Vous m'envoyez désolé, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de votre avocat. En fin de compte, il va se retirer ici avec la pension qu'Acelia lui verse. Et il vous enverra, vous et votre putain de tribunal de crimes de guerre, vous faire foutre. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte. Nous sommes aujourd'hui de nouveau en compagnie de l'anthropologue Elisabeth Clavery. Nous évoquions avec elle hier ce travail qu'elle a réalisé au travers de nombreuses années sur l'ex-Yougoslavie, commençant par un itinéraire qui l'a amenée sur des pas qu'elle n'aurait pas forcément imaginé. Au départ, elle travaillait sur des questions d'apparition. Qu'est-ce qu'une apparition dans un village à une époque moderne? Comment ces choses-là sont-elles prises, vécues? C'est ainsi qu'elle a eu l'occasion de faire un déplacement en Herzégovine pour assister à précisément un phénomène d'apparition. Mais jusqu'à ce qu'elle comprenne, toujours la même Elisabeth Clavery, qu'au travers de cette apparition se jouaient des choses très spécifiques à la région, mettant en relief des animosités fort anciennes qui puisaient dans le passé extrêmement douloureux de la Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisque c'est un lieu, c'est ce qu'elle finira par mettre à jour, où l'histoire, et notamment l'histoire récente, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, a considérablement nourri la guerre suivante, celle qui se déroulera dans les années 90. Alors avec Elisabeth Clavery, on évoquait hier également, à la toute fin de l'entretien, sa première séance au tribunal pénal international. On va poursuivre également sur ce sujet aujourd'hui, notamment au travers d'un article que j'ai lu, que j'ai trouvé absolument passionnant, qui s'appelle « Technique de la menace ». Mais avant qu'on vienne à cet article-là, je voudrais peut-être voir avec vous, Elisabeth Clavery, deux choses. La première, c'est dans quelle mesure, avec la distance maintenant, vous diriez que, puisque vous nous parliez de ça hier, la construction même de la manière de gérer la justice, au fond, à l'intérieur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, était la meilleure forme possible juridique? Est-ce que l'outil en lui-même a été adapté à juger la situation? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais je trouve malgré tout que les garanties de ce qu'on appelle, de façon normative, un procès équitable, et le fait que les témoins qui déposent à l'audience fassent leur déposition, quand ils sont du côté du procureur et sont ensuite contre-interrogés par la partie adverse, donne une certaine robustesse au récit. S'il doit se désagréger, ça se fait en route. Ça se fait en route, ouais, et ça se fait très vite. Ouais. Vraiment, ça se fait très vite, d'autant qu'il y a une autre épreuve, c'est que ensuite, l'après-midi, dans les bureaux du TPY, l'évaluation de la robustesse du récit est mise à l'épreuve par une équipe. Si vous voulez, par une équipe qui dit, oui, le témoin dit qu'il est arrivé par la route de Mostar, l'autre dit qu'il est arrivé par la route de Sarajevo, donc c'est pas possible, etc., etc. Donc, il y a une espèce de travail très serré autour de ce qu'on appelle l'établissement des faits. Et ces faits reposent, sont corroborés les uns avec les autres, mais l'énonciateur de ces faits, le témoin, est lui, sa crédibilité, qui est sans arrêt mise en doute par la partie adverse, joue un rôle majeur là-dedans. beaucoup disent, mais enfin, ce n'est pas moi l'accusé. Vous voyez, c'est une épreuve très particulière. Je vous posais la question parce que ce qui a été posé comme problème au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est qu'il n'a pas, et beaucoup à l'intérieur s'en sont plaints, une enveloppe temporelle inépuisable. Et il a bien fallu à un moment s'arrêter. Oui, c'est tout à fait vrai. Un des grands problèmes de cette forme de procès, c'est effectivement sa longueur. Et c'est la même chose à la Cour pénale internationale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai qu'un très grand nombre de témoins à charge et à décharge sont appelés à l'affaire, décrivent des faits, mais ce sont des procès qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec des audiences journalières, 4 heures d'audience tous les jours, 5 jours de la semaine, pendant des années. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, pas du point de vue de l'anthropologue, mais qui ici n'importe peu, mais du point de vue des plaignants, du point de vue des finances de la Cour, d'un tas de points de vue, du point de vue des collectifs de victimes, est beaucoup trop long. Mais, malgré cela, la qualité descriptive de ce conflit peut-être ne pas être obtenue autrement, d'autant que, au fond, la grande novation de ces récits, c'est d'avoir rendu saillant ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles guerres, les guerres asymétriques. C'est-à-dire ces guerres qui se fassent, comme en Syrie aujourd'hui, comme entre des groupes armés et des personnes non armées, ce qu'on appelle, dans la langue du tribunal, les populations civiles. C'est une langue qui s'est répandue, les journalistes, quand ils vous parlent des guerres en Syrie, vous parlent des populations civiles. Donc, toute cette langue du droit international humanitaire s'est répandue et est devenue un descripteur général. Mais ce qui a été, à mes yeux, très important pour le tribunal yougoslave, c'est d'avoir réussi à donner une image de ces conflits, aussi bien politique, en termes de plan commun, c'est-à-dire pourquoi on sait aujourd'hui que ces mémoires qu'on a évoquées hier ont été instrumentalisées de façon précise dans des programmes politiques précis, à travers des partis précis. Et ce, bien avant le début des événements. Et ces mémoires, j'ai parlé de l'Empire ottoman, mais il y en a d'autres dont on aurait pu se saisir. Les gens comme vous et moi, des mémoires, vous voyez, d'autres auraient pu devenir saillantes et auraient pu, c'est celle que Tito, par exemple, avait construit un récit dans lequel on était des ouvriers, que c'était ça l'unité de solidarité et non pas l'ethnie, par exemple. Donc, ce sont les types de constructions qui ont été mises en œuvre. On sont complètement démontés par le tribunal et montrés, parce que beaucoup d'observateurs avaient au début du conflit décrit ce conflit comme dû à des haines ancestrales. Alors, on peut aller les chercher, ces haines ancestrales, on les trouvera toujours. Mais quand on voit la façon dont elles ont été travaillées et avec quel type de moyens, dans des meetings, dans des chansons, à travers toutes sortes de dispositifs très très très variés, et comme vous le savez, on s'est rendu compte que ce conflit est un conflit qui est parti du haut de l'État, avec une armée, un État, l'État serbe. Au tout début, l'État croate n'est pas mieux, mais en termes d'enclenchement de la guerre, enclenchement de la situation préalable, cet État a mis en place des dispositions ouvertement, construisant ouvertement un programme de nettoyage ethnique. En s'en donnant les moyens, cette armée se défaussant du sale boulot sur des milices, une police, cette police se défaussant sur des groupes, genre groupes de supporters, de foot, etc., etc. Des partis micro-locaux, locaux, ces micro-locaux dans les unités résidentielles, un peu partout, donnant adresse, nom, numéro de téléphone. Dans ce village, il y a combien de vaches, c'est un pays rural, combien de charrettes, combien de belles filles, combien de téléviseurs. On est dans un pays économiquement en crise au début de la guerre. Il n'y a rien. La vie était difficile en Bosnie-Herzégovine. Donc, si vous voulez, le programme des tueries et le programme du nettoyage ethnique, il s'est diffusé. Bien sûr qu'il sait que l'ensemble du plan commun n'était pas tout armé dans la tête de Milosevic le premier jour, mais quelque chose de ce projet de nettoyage ethnique a bien été mise en œuvre au niveau institutionnel, politique, militaire, administratif. Et c'est quelque chose dont la systématicité est étonnante. Or, ce modèle, on le voit aujourd'hui dans d'autres situations. Et si vous voulez, la force de ce tribunal, enfin, le rôle de la Yougoslavie pour enclencher tous ces nouveaux conflits est à mes yeux extrêmement importante. Il faudrait y réfléchir d'ailleurs. Mais le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a aidé à construire un schème puisqu'elle a besoin d'un certain nombre d'items pour remplir ses incriminations qui sont la responsabilité de commandement par exemple, qui sont la coaction, qui sont l'entreprise criminelle commune, etc., etc. Donc, à l'aide de ces différents éléments qui n'ont pas toutes la même valeur juridique, qui sont, ne proviennent pas toutes de la même source, le type de description nécessaire pour remplir l'incrimination, pour un crime contre l'humanité, par exemple, il faut de la systématicité, de l'ampleur. Donc, on est allé la chercher. Et vous me direz, comment ça vous êtes allé la chercher? Mais en allant trouver, en allant chercher la notion de systématicité, tout à coup vous la voyez, vous voyez plus juste des hordes de voisins qui se précipitent sur leurs voisins, vous voyez ça, mais ça vient se placer à l'intérieur d'un système relativement maîtrisé et pensé. Elisabeth Lavry, nous en venons à cet article que vous avez rédigé en 2004, intitulé, je le disais, « Technique de la menace ». Il faut peut-être fixer le cadre. Qui juge-t-on à ce moment-là? Et surtout, qui observez-vous? Car je crois pouvoir dire, mais j'attends évidemment votre réponse, que c'est probablement grâce à la sagacité de l'enquête judiciaire, mais parvenir à mettre à jour un mécanisme qui est, au fond, que se passe-t-il avant une tuerie, et si les gens qui vont ou qui risquent d'être les victimes ou quelques rescapés ne sont pas partis alors qu'elles constataient de toute évidence que la menace s'approchait à grands pas et que de la menace à l'action, il n'y avait plus désormais qu'une feuille de papier à cigarette. Comment comprendre que ces gens-là n'aient pas pris leurs jambes à leur cou et soient partis le plus vite possible pour éviter d'être exterminés? Comprendre ces mécanismes qui peuvent aller jusqu'à la paralysie de l'action, à la paralysie de la fuite, c'est ce à quoi vous avez assisté, c'est ce que vous avez surtout décrit dans cet article. Alors, je vous laisse répondre. Rappelez-nous simplement le contexte. Qu'est-ce qui est jugé à ce moment-là? Dans ce cas-là, j'ai fait un mixte entre une enquête de terrain à Hadžići, qui est une banlieue de Sarajevo, où je suis allée travailler auprès d'un groupe de victimes. Et j'ai travaillé avec elles et je leur ai demandé, au terme de préalable de confiance, etc., de me raconter ce qu'a été pour elles la prise du village banlieue de Sarajevo, Hadžići. J'ai rencontré ces femmes dans un local où elles se rencontraient, dans une cave d'immeuble moderne. Et c'est là que, pendant que je faisais ça, je suivais au TPY un certain nombre de procès de Karadžić, et un certain nombre de procès sur la mise en œuvre des attaques de la région de Sarajevo. Le tribunal a travaillé bassin de crime par bassin de crime, région par région. Donc moi, évidemment, j'étais dépendante des enquêtes, enfin des procès. C'était des procès de politique de l'armée, de politique militaire. J'ai relevé deux noms, Tuta et Stella. C'est Krajisnik. Mais Tuta et Stella, c'est deux perpétrateurs croates de la région de Mostar. Terrible personnage. Mais là, dans cette enquête, ce qui m'avait intéressé et frappé, c'est alors que à Sarajevo, un nombre très très impressionnant de bombes à partir du 6 avril ou du 8 avril était en cours, mais un nombre très important, que donc dans la banlieue de Sarajevo, on ne pouvait pas ne pas entendre. Le nettoyage ethnique tout autour des villages de Sarajevo, dans cette zone, était en cours. Donc il y avait des fuyards, il y avait des villages déjà attaqués. Et à ma grande surprise, ce que me disaient en boucle les femmes de Sarajevo, j'étais là avec une traductrice, ce qu'elles me disaient, ces femmes, c'est pourquoi on n'est pas parti. Pourquoi on n'est pas parti? Pourquoi on est resté? Ces femmes avaient vu tous les membres masculins de leur famille tués, père, mari, fils, cousin. Et donc, ces femmes, plusieurs d'entre elles étaient dans un état de... Je n'avais jamais vu ça, une prostration aiguë, comme ça. Physique, oui. Physique, une prostration physique. Et beaucoup pleuraient, d'autres étaient... Et leur leitmotiv, c'était pourquoi on n'était pas parti. Donc je me suis posé cette question, moi aussi, et j'ai essayé de comprendre, à travers les procès, à travers des questions que je leur ai posées, pourquoi elle n'était pas partie. Et elle disait, bien sûr que les Serbes peuvent... Là, il s'agissait de Serbes. Je m'excuse de parler des Serbes, les Croates, on a fait à peu près autant, mais là, dans cette période, il s'agissait des Serbes et dans ce village. À Sarajevo, disait-elle, oui, bien sûr, mais nous, ici, à Adjici, on se connaît tous. On prend des thés, ma belle-sœur est serbe, c'est nous de Adjici. Et donc, son collectif de référence, c'était nous, le village. Elle n'a pas du tout considéré que sa voisine pouvait lui porter du tort, etc., etc. Et ces femmes travaillaient dans une usine. Et dans cette usine, les collectifs, c'était l'atelier 4, l'atelier 5, l'atelier 6. C'était pas les Serbes, les Croates, les musulmans, c'était atelier 6. Et puis, tout à coup, les gens partent quand des signes se rapprochent. C'est-à-dire, tout à coup, il y en a une qui me dit « Les filles de l'atelier 6 n'étaient pas là quand je suis arrivée. » Parce que toute la vie s'organisait autour de cette usine. Elle me dit « Et tout à coup, j'ai compris, c'est pas les filles de l'atelier 6, c'est les femmes serbes qui sont pas venues travailler. » Pourquoi sont-elles parlées? Alors, un changement complet de paradigme et de lisibilité, elle se dit pourquoi il y a un collectif de femmes serbes qui n'est pas venu. Elle comprendra qu'après. Et puis, elle fait le rapprochement tout à coup avec une scène qu'elle n'avait pas notée, qui est depuis quelques jours, des ouvriers faisaient des trous dans la ville. Elle l'avait interprété, comme toutes les autres femmes, comme des travaux d'ouvriers pour mettre des tuyaux, des travaux de voirie. Tout à coup, une fois qu'elle a ce truc serbe, le fait que c'est les femmes serbes de cet atelier qui ne sont pas là, elle comprend que ces trous sont faits pour mettre des nids de mitrailleuses, parce qu'elle l'a vu à la télévision. Donc ce qui est à la télévision, qui est à beau être vrai et à beau être à 11 km de là, n'est pas véritable, ne peut pas être ici chez nous à Adjici. Vu que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Le village, deux, l'usine. Mais elle continue à se dire, alors que les milices du nettoyage ethnique entrent dans la ville, à ne pas bouger, et les hommes non plus. Alors, les hommes qui étaient dans des groupes armés n'étaient pas à la maison, mais les jeunes garçons, ou les vieux messieurs, ou les gens qui n'étaient pas mobilisés, étaient à la maison. Et les milices sont entrées en faisant du porte-à-porte et en demandant à tous les hommes de sortir. Les femmes les ont vus revenir. Le lendemain, deux jours après, ou quelques heures après, j'ai oublié, ils sont ressortis dans des draps. Parce qu'ils ne pouvaient plus être portés, ils étaient morts, ils étaient en morceaux. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de façon récurrente, sur lequel j'ai ensuite beaucoup travaillé de façon systématique. Par exemple, à Visegrad, où malgré l'occupation, malgré le fait que la guerre, là, durait, là, c'était le début de la guerre avec, encore, disons, les bombardements étaient là depuis quelques semaines, simplement. Mais, à Visegrad, même scène en 93. Là, Visegrad est proche de Srebrenica, les gens restent parce que c'est chez eux. Parce que certains vont essayer de fuir dans les bois. Un nettoyage ethnique, c'est monter une souricière dont les gens ne pourront pas sortir. Et ceux qui sortent, contre eux, ont fait des chasses à l'homme. Donc, les personnes mobiles, les jeunes hommes, les jeunes femmes, certains enfants un peu grands, mais les femmes, soit enceintes, soit vieilles, soit qui n'ont aucune facilité de corps, qui sont des gens qui ne courent pas dans les bois, enfin, etc., restent dans un deuxième temps. Elles restent d'abord parce qu'elles ne peuvent pas y croire, ne peuvent pas y croire. On est dans la quatrième année de la guerre. Et d'autre part, parce que toutes les issues sont fermées, qu'elles ne peuvent pas sortir. Peuple perpétuellement en guerre, peuple qui a toujours su ce que c'est que de vivre sous et contre une oppression. Yougoslavie en paix, avec des filles souriantes, une capitale avenante, reconstruite pour la 20 ou 30e fois de son histoire. Yougoslavie presque riche, avec des boutiques et des voitures à l'occidentale. Le communisme est devenu le ciment entre les races et les nationalités. L'indépendance à l'endroit de Moscou pèse au chef du nouvel État yougoslave. Une grande expérience va commencer, le titisme, dont la base sera l'autogestion. Il n'est pas simple d'être un enfant en Yougoslavie, et encore moins d'être un écolier. Dans un pays qui compte 6 républiques, plus 2 provinces autonomes, les cours d'histoire et de géographie n'ont rien d'élémentaire. La complexité de cette communauté multinationale qu'est la Yougoslavie est donc ici l'une des premières découvertes de l'enfance. Car pour comprendre tous ses compatriotes, il faudrait parler une dizaine de langues et de dialectes propres à 6 peuples principaux et à 10 nationalités ou minorités balkaniques. Cet écheveau de peuples et de petites nations qui se nomme Yougoslavie ou Fédération des Slaves du Sud tient depuis plus de 30 ans. C'est court pour former une vraie nation et déjà assez pour créer des réflexes. Il y a également quelque chose sur lequel vont s'appuyer les exécuteurs, c'est le Komsilouk. Alors je ne suis pas certain de bien prononcer le mot. Komsilouk. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, Elisabeth Clavery? Le Komsilouk, c'était une instance en Bosnie-Herzégovine classique depuis l'Empire ottoman, qui était un acte de paix, de bon voisinage, de bonne cohabitation entre les différents groupes ethniques, enfin, c'est pas grand sens de dire ça, mais entre Serbes, Croates et musulmans. L'Empire ottoman était organisé selon les groupes ethno-confessionnels, et ces groupes avaient entre eux des pactes de bon voisinage. On pouvait s'inviter, par exemple, pour les fêtes les uns des autres. Mais justement, c'est là où on a peut-être besoin quand même de saisir, parce que les exécuteurs, pour beaucoup, sont internes, ils ne sont pas des pièces rapportées, des gens qui viennent de l'extérieur. Donc comment comprendre qu'un système qui a malgré tout existé, qui n'est pas une invention pure de l'esprit, qui fait qu'effectivement, ces femmes qui se disent « non mais ça n'arrivera jamais chez nous » parce que elles sont en lien avec une réalité sociale, amicale. La bascule, elle s'explique comment? Simplement par le déséquilibre des plateaux de la balance qui font qu'à un moment, les discours nationalistes finissent par porter, finissent par devenir de plus en plus crédibles, vraisemblables et attrapés par des gens qui auparavant ne pensaient pas comme tels. En ce moment, je travaille sur Vukovar, par exemple. Je suis frappée maintenant, longtemps après les faits, il y a des choses que je vois mieux. C'est-à-dire que si les gens ne fuient pas, c'est effectivement parce qu'elles ont une pratique du Komsilouk. C'est-à-dire qu'elles savent très très bien, elles ont vécu depuis très longtemps, en bonne intelligence et même en amitié, et même dans les cercles professionnels, à l'usine par exemple. Parce que là, il y a aussi les instances du parti qui considèrent que c'est la vie communiste, la vie ouvrière, c'est ça le lieu de la solidarité. Ça, c'est resté très longtemps. Dans des tas de bourgades sur lesquelles j'ai travaillé, où il y avait des usines, les gens continuaient à aller travailler, toutes les nationalités confondues, et se parlaient depuis le langage de la vie ouvrière du travail. Jusqu'au jour où, c'est le cas à Visegrad par exemple, une milice de tueurs serbes est rentrée dans cette usine et a demandé où étaient les musulmans. Les gens ont tenu très longtemps, 7-8 minutes avant de dénoncer. Et puis, à un moment donné, c'est pas que les gens deviennent des dénonciateurs, j'ai oublié de le dire. C'est aussi qu'il y a derrière des AK-47, oui, des RMG et des armes. Il y a une chose dont on parle jamais, dont moi-même je n'ai pas parlé, c'est la peur. La peur. C'est-à-dire que, dans beaucoup de cas, il y a des contraintes à la dénonciation. C'est le régime du plus fort. Là. Voilà, c'est le régime du plus fort. Armé. Un tribunal de l'ONU est sur le point de rendre son verdict dans le procès pour crime de guerre de l'ancien commandant militaire serbe de Bosnie, Ratko Mladic. Demain, je me tiendrai là où se trouve le podium. Donc quand j'entrerai demain, tout le monde sera là? Tout le monde. Vous et la défense? La défense sera là. Et Mladic sera déjà dans la salle d'audience. Et il aura les deux agents de sécurité, de chaque côté de lui. Nous avons décidé de le faire témoigner en premier, parce que son histoire montre vraiment la manière dont Mladic envisageait la guerre et sa détermination à commettre des crimes terribles. Le monde voyait avec incrédulité, dans des quartiers et des villages d'Europe, des civils être pris pour cible pour la seule raison qu'ils étaient d'une ethnie autre que serbe. Vous êtes ici pour défendre le général Mladic parce que vous le vénérez. Quelle est votre relation avec le général Mladic? Et toi? Excellente, je donnerai ma vie pour lui. C'est vrai. C'est pour ça que vous êtes venu, et pas pour dire la vérité. Et toi, tu diras, non, je suis sous serment devant Dieu. J'ai le droit de lui répondre? Je peux lui dire, c'est toi qui dis des mensonges et pas moi? Non, ne le fais pas. C'est le fléau de Sarajevo, le chef des combattants serbes. Il se nomme Ratko Mladic. Cet homme n'a aucun doute. Juste la certitude absolue qu'il a raison, que le monde a tort et que ses hommes ont été calomniés. Nous avons fondé la République serbe. Elle a été purifiée dans le sang des enfants de Serbie. Et nous déclarons au monde entier et aux générations futures que cette terre sacrée est serbe. Un tout dernier mot, Elisabeth Clavry, malheureusement, on vous ferait parler plus longtemps, mais bon, le temps nous est compté. On vous a demandé de regarder pour nous le documentaire dimanche soir sur RTS2, sur Mladic. Alors malheureusement, comme on a déjà été un petit peu long, je vais vous demander de faire court. Arriverez-vous à faire court et inciter peut-être les auditeurs à aller voir ce documentaire? Oui, ce documentaire de Miller est très très très très très très beau. Et il est très intéressant parce qu'on voit toute la difficulté pour les témoins à s'exprimer, parce qu'on voit aussi l'espèce d'impassibilité de Mladic, la complexité de ce que c'est que le travail de la preuve et de la contre-preuve pour la défense. La défense, elle joue beaucoup sur l'alibi. Il y a une blague au tribunal qui appelle les perpétrateurs les palas, parce que pour l'ensemble des défenses d'alibi, Milošević n'était pas là, Karadžić n'était pas là, Krajisnik n'était pas là, Plavšić n'était pas là. Enfin, bon, ils sont obligés de jouer l'alibi. Soit l'alibi, soit, ça a été le cas pour Srebrenica, s'agissant de Mladic, et le film le montre très bien, la défense va jouer le fait que le 14 juillet, en plein massacre de Srebrenica pendant la marche, Mladic n'était pas là. Mais aussi qu'il n'avait pas une responsabilité de commandement aussi importante que ne le déclarait la défense. Et ça, ce film le montre très très très très bien. Vraiment, je vous recommande beaucoup beaucoup de voir ce film à cause de ce que l'on sent des difficultés des parties. Parce que quand on le voit arriver et que les témoins sont choisis, que le procès est en cours, c'est facile. Mais le montage, le choix de trouver des témoins, alors qu'il n'y a pas de coopération des États. Vous savez bien que les perpétrateurs se sont cachés, 16 ans pour Mladic, 14 ans pour Karadžić, etc., etc., et que les témoins ne veulent pas parler, et que c'est très difficile à obtenir. Donc, une fois le procès, parce que quand je dis que les procès sont très longs, c'est aussi qu'il y a 2, 3, 4 ans de préparation avant. Donc, ce film montre très bien toutes les difficultés des acteurs du procès. Vous l'avez merveilleusement vendu. Merci beaucoup, Elisabeth Clavry. Et puis, à bientôt au micro d'Histoire Vivante. Je vous remercie.